histoire particulière. Mais qu'est-ce qu'une arme ? C'est la question que Tony Ayer et Gilles Mardi-Rossian ont posée hier dans le premier épisode de notre histoire particulière. L'arme à feu est-elle un objet comme les autres ? Tony Ayer a voulu savoir ce que c'était, comment cela marchait, à quoi cela servait, et ce que cela produisait. La réponse est sans appel. Une arme à feu est un objet qui a été conçu, destiné et amélioré pour tuer. Après une démonstration de l'objet par l'objet, il s'agit aujourd'hui de passer à la pratique avec tir à balles réelles. Cette même arme de chasse, je l'utilise cette fois-ci. Quand vous dites que ça peut créer un trou très grand, ça peut aller jusqu'à quel... Ça peut délabrer véritablement, alors je pense notamment sur un tir dans la tête, vous pouvez vraiment avoir un délabrement majeur et une victime qui n'est plus reconnaissable. C'est-à-dire un effacement Vous avez, oui, c'est-à-dire que vous avez vraiment un éclatement à la fois de la peau, des muscles, des os, et puis parfois vous n'arrivez plus à reconnaître les structures anatomiques normales. D'accord. La particularité de l'arme de chasse, c'est que plus je m'éloigne de vous, et plus cette gerbe de plomb, et bien entre guillemets, elle va se dissiper de manière un petit peu conique, et donc vous allez avoir non plus une plaie unique, comme on pourrait l'avoir sur une très courte distance, mais ce qu'on appelle un polycriblage, c'est-à-dire un polycriblage de plusieurs, voire plusieurs dizaines de plaies. Une sorte de nuage. Voilà, parce que chaque plomb génère une plaie. Et plus vous vous éloignez, bien sûr, et plus votre gerbe de plomb, elle se dissipe, bien sûr, avec une certaine limite. On a parlé tout à l'heure donc, de l'utilisation d'une arme de poing, l'utilisation d'une arme de chasse. Et bien, vous avez aussi, bien sûr, dans certains cas, l'utilisation d'armes de guerre. Et je pense notamment, bien sûr, à des actes qui peuvent être des actes terroristes, avec des armes type des Kalachnikov, qui sont des armes de guerre. Et bien là, vous avez des projectiles, ce qu'on appelle à très haute, qui ont énormément d'énergie, qui ont une très grande vitesse. Et en fait, ils vont réagir lorsqu'ils vont interagir avec le corps, un petit peu comme une toupie. Vous voyez, une toupie, quand vous la faites tourner très vite, plus vous la faites tourner vite, et bien dès que vous la touchez, elle part de manière incontrôlée, un peu partout, et avec une trajectoire que vous ne pouvez absolument pas maîtriser. Vous m'aviez parlé la dernière fois de ce cas d'une balle qui était entrée dans le point d'entrée. Effectivement, c'est un exemple qu'a eu un confrère qui travaille ici, où en fait, vous avez de manière très surprenante un orifice d'entrée qui est en région abdominale et l'absence d'orifice de sortie. Et pourtant, vous avez sur le scanner un projectile qui se situe au niveau du cerveau. Eh bien, c'est simplement parce que cette balle, elle est venue pénétrer dans l'abdomen, elle a basculé en tapant sur la colonne vertébrale, et comme elle n'avait pas perdu toute son énergie, eh bien, elle a changé de trajectoire et elle a remonté le long de la colonne vertébrale pour terminer dans la tête. Est-ce que vous pourriez décrire la cible qui est en face de nous ? Alors là, c'est une cible d'entraînement qui est destinée aux forces de l'ordre ou aux armées, qui est ce qu'on appelle une silhouette. Donc vous avez la silhouette d'un buste qui pointe une arme vers nous. C'est une cible qui est spécifiquement conçue pour l'entraînement des forces de l'ordre ou des armées, puisque ce type de silhouette est interdite pour le tir sportif. Alors là, vous avez l'arme qu'on a démontée tout à l'heure, à savoir un Glock en calibre 9 mm parabellum. Donc là, à partir du moment où on va les charger, tout le monde sera derrière l'arme, d'accord ? Personne ne passe devant, derrière, pour une quelconque raison. Derrière une ligne ou derrière... Moi je vais me mettre au niveau de cette ligne, je vais pointer l'arme vers les cibles. Donc personne ne passe ni sur mon côté ni devant moi, tout le monde reste derrière moi. Je vais faire à chaque fois un premier tir pour vous montrer, et ensuite je vous mettrai en position, je vous confierai l'arme, elle sera prête à tirer. Et là, vous aurez juste à tirer sur la cible, et voilà. Le point particulier, c'est que l'arme, comme je vous le disais dans les règles de sécurité, l'arme reste toujours pointée sur les cibles, quoi qu'il arrive. Si vous avez un souci ou quoi que ce soit, je serai juste à côté, donc je réglerai le souci. Mais quoi qu'il arrive, vous ne vous tournez jamais. Vous restez concentré sur la cible jusqu'à ce que je vous ai repris l'arme. D'accord. Voilà. C'est bon ? Hop, je vais vous mettre deux cartouches. Donc vous n'avez jamais tiré. Non. Donc on va mettre deux cartouches. L'arme se tient de la manière suivante. Vous allez mettre l'espace entre votre pouce et votre index bien en dessous, là. Mm-hmm. Il y a une petite pédale, là, c'était exprès. Ici, ouais. Le reste des doigts en dessous. L'index, il reste le long de la glissière tant qu'on n'a pas visé l'objectif. D'accord. La deuxième main, soit vous pouvez tirer à une main, mais comme vous avez jamais tiré, je vous conseille de mettre votre deuxième main ici, tout simplement, vous venez recouvrir. D'accord. Voilà, comme ça. Vos bras pas complètement tendus, vous gardez une certaine souplesse dans les coudes. Et voilà. Ensuite, pour la visée, là, vous avez un cran, c'est ce qu'on appelle la hausse. Mm-hmm. D'accord. Et là, vous avez un guidon. Le but est d'aligner dans l'encoche le guidon et de telle manière à ce que le haut du guidon soit à fleur du haut de la hausse. D'accord. D'accord. Ce qui doit être net dans votre vision, c'est le guidon. Ok. D'accord. D'accord. C'est bon ? Il n'y a rien dedans, c'est normal. Ah d'accord, ok. Non, c'est normal. C'était juste pour vous... Ok, d'accord. C'est bon ? Petite pression là. Ouais, petite pression parce que je pensais que ça allait partir et en fait il n'y a rien qui est sorti. Restez bien derrière. Maintenant elle est chargée. Donc je vous laisse. Hop, c'est bon? Ouais. Ah oui, d'accord. Énormément d'énergie là. Là, on est sur enfin, quelque chose il faut, de... Il faut tenir... Ah, il faut tenir l'arme, oui, là, pour le coup, oui, il faut tenir l'arme. Ça va donner. De la même manière que quand vous êtes sur l'autoroute, il faut bien tenir le volant. Ouais. Ah, c'est très impressionnant. Alors, je remarque que vous avez tiré au centre de la cible. Oui. Vous avez tiré dans la tête. Et moi, j'ai tiré dans la tête. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais alors peut-être quelque chose, mais par exemple nous en doctrine on tire pas dans la tête des gens. On d'accord. Tire en général dans ce qu'on appelle c'est le triangle ma, pelvien. Ma morale, mon éthique qui m'a. Voilà. Puisque quand on est force de l'ordre, le but est de neutraliser la personne si possible en ne la tuant pas. D'accord. Et en faisant en sorte de toucher un minimum d'organes vitaux de manière à ce qu'elle puisse facilement être. Enfin, le plus facilement possible, être soigné par un médecin. Ce n'était pas du tout mon objectif à moi. Voilà. Nous, le but est de l'amener devant la justice. Vous, visiblement, vous avez des choses à lui reprocher. D'accord, ok. Voilà. Si c'est fait. Voilà. Alors, autre arme, revolver. Donc, un MR73 de calibre 357 Magnum. Mm-hmm. C'est un peu une sorte de Rolls-Royce des armes à feu. Qui est, en général, voilà, quelque chose qui est très agréable à tirer. Là, vous allez avoir quelque chose qui est un peu plus puissant en termes de calibre. D'accord. Donc là, vous allez un peu plus sentir de recul. D'accord ? Ok. Alors, vous allez voir, quand on fait du tir, aux écoles de tir, on dit qu'il faut être surpris par le départ du coup, quand on apprend à tirer. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur la défense de la détente de manière suffisamment continue et fluide pour que vous ne forciez pas le coup de doigt. Ouais. Que le coup de doigt, c'est-à-dire le... Comme ça, là. Ouais. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Allez-y. C'est extrêmement... C'est extrêmement puissant. Il y a plus puissant. Il y a beaucoup plus puissant. J'imagine qu'il y a plus puissant, mais c'est... Il y a beaucoup plus puissant que ça, mais voilà. Ce qui est extrêmement... en tout cas, moi, je trouve... troublant, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et on comprend après qu'il vient de se passer quelque chose. En fait, le temps, c'est de l'ordre de la milliseconde. Le temps de c'est ce ça, passe. Ouais. C'est pour ça qu'on dit dans les écoles de tir d'être surpris par le départ du coup. Je vous propose que vous tiriez sur les suivants, mais moi, je vais en rester sur ce qu'il y a. Alors après, on est sur quelque... Alors là, il n'y a plus d'armes de poing. Ah d'accord. On est sur autre chose, donc on va prendre celui-là par exemple. J'ai toujours cette question qui serait est-ce que une arme à feu est un objet comme les autres ? Mais je pense qu'en fait, c'est au vu de votre récente expérience du tir, pour vous, ça va être un objet vraiment pas comme les autres parce que c'est un objet que vous côtoyez jamais, qui peut vous impressionner. Qui peut, et c'est légitime, faire peur. Ouais, mais là, vous parlez de quelqu'un. Moi, j'essaie de parler de l'objet en lui-même, c'est-à-dire l'objet indépendamment de quelqu'un. C'est-à-dire l'objet seul. Est-ce que l'objet seul, est-ce qu'on peut se dire qu'une arme à feu est un objet comme une tasse de café, comme si vous prenez son une chaise. Bah, autrement que dans son rapport au sujet, ça reste un objet complètement inanimé. Vous voyez, là, elles sont devant nous et elles peuvent y rester des siècles tant qu'on les manipule pas. Donc, il n'y a pas de raison en ça de les distinguer d'autres choses. La seule chose qui les distingue, et qui est reprise dans la loi d'ailleurs, c'est vraiment voilà, le fait que ce sont des objets qui sont par nature conçus pour tuer. C'est leur raison d'être, tuer ou blesser. Contrairement à tous les autres objets, par définition, c'est la définition même d'une arme. Donc en ça, non, c'est pas un objet comme les autres, parce que c'est le seul objet qui a été par nature conçu pour tuer. De manière en termes très simples, comment est-ce qu'on pourrait décrire ce que fait une balle à un corps ? Quelle est son action ? Et bien globalement, une balle, en fait, c'est un corps étranger qui est propulsé, qui a une certaine vitesse, qui a évidemment une certaine forme qui lui est propre, et qui va donc, grâce à cette énergie qu'il a, il va pouvoir donc traverser les différentes couches du corps de manière plus ou moins importante, donc la peau, les muscles, les os éventuellement. Et en fait, il génère, sa première action, ça va être de générer une plaie contuse, puisque la première zone qu'il va rencontrer, c'est la peau. Alors pourquoi contuse ? Et bien c'est simplement parce qu'on la différencie d'une plaie, par exemple, d'une arme blanche, qui va être ce qu'on appelle une plaie simple, qui est une plaie très propre, avec des berges qui sont très linéaires, très propres, alors que l'arme à feu va donner des berges beaucoup plus irrégulières, beaucoup plus déchiquetées, et donc qui forment vraiment ce qu'on appelle une plaie contuse. La balle entre dans le corps, et ensuite, quel va être son effet ? Alors, plusieurs effets, bien sûr, mais... De manière générale, qu'est-ce qui fait qu'une balle peut être dangereuse ? Alors, ce qui fait qu'une balle, évidemment, est dangereuse, c'est que donc la balle, déjà, c'est un volume. Elle a un volume particulier, donc c'est un volume qui va donc traverser un corps, et donc particulièrement, notamment, des organes. Et donc, elle va venir léser, dans un premier temps, ses organes, ses muscles, cette peau, au moins sur la taille de son volume. C'est-à-dire qu'une balle, elle va générer ce qu'on appelle une cavité permanente dans les tissus, et bien qui est en fait la matière qui est partie parce que la balle a traversé un organe. C'est-à-dire qu'elle prend une place qui ne lui était pas destinée. Voilà, elle prend une place qui ne lui était pas destinée. Vous pouvez très bien imaginer la même chose par une arme blanche. Vous voyez, prenez un couteau, vous venez traverser un morceau de muscle, et bien vous avez une zone de béance dans votre muscle, un vide, et bien la balle, elle va faire la même chose, c'est-à-dire qu'elle va créer des zones de béance dans les différentes régions qu'elle traverse, alors de manière différente, entre la peau, le muscle, l'os, les béances ne vont pas être les mêmes, et puis ce qui fait aussi que les béances ne vont pas être les mêmes, c'est que bien sûr, votre balle, elle ne va pas avoir un trajet tout droit, elle va pouvoir basculer, tourner autour d'elle-même, parfois se fragmenter, en plusieurs morceaux, et donc ça vous fait autant de béances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une balle, comme je vous disais, elle a de l'énergie. Donc elle a de l'énergie, et quand elle se met en interaction avec le corps, eh bien, elle va être freinée par ce corps, et donc le fait d'être freinée va libérer de l'énergie qu'elle contient, et donc elle va la libérer au tissu environnant. Et ça génère ce qu'on appelle une cavitation temporaire. Ça serait l'équivalent d'un coup de poing à 100 ou 400 mètres secondes, quoi. Oui, effectivement, le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez effectivement une énergie qui se dissipe, effectivement, autour. Qui se transfère. Qui se transfère, voilà. Et c'est ça qui fait que la balle est freinée, en fait. C'est parce qu'elle perd de l'énergie. Et c'est pour ça aussi que certaines balles qui ont énormément d'énergie vont pouvoir traverser un corps, alors que d'autres vont être freinés sur leur trajet au sein du corps et en fait ne vont pas ressortir et vont se retrouver à l'intérieur du corps. Mais c'est un peu le principe de la, on va dire, de la mise en vitesse et de la projection de n'importe quel corps étranger. Et finalement, à partir du moment où vous lui donnez de l'énergie, vous lui donnez de la vitesse, c'est possiblement un objet létal, quoi. C'est un objet qui va conduire à la mort. Et il ne faut pas oublier aussi que ce projectile, il peut très bien rencontrer de l'os. et que l'os, bien évidemment, il va donner des morceaux osseux lorsqu'il va être percuté par ce projectile, et que ces morceaux osseux, eux-mêmes, peuvent se comporter comme des projectiles secondaires qui vont aussi générer des dégâts. Donc vous voyez la complexité un petit peu des dégâts liés à l'utilisation d'une arme à feu, parce qu'on a à la fois les dégâts causés par le projectile initial, des dégâts causés par des fragmentations de ce projectile initial, des dégâts causés par des fragmentations notamment des os, des petites esquilles osseuses, et tout ça, bien évidemment, avec de la vitesse, vient générer des dégâts, parfois mortels. D'accord. Le cas particulier de projectile d'arme à feu, c'est qu'il va à une vitesse qui ne peut pas vraiment être avoisinée par un autre projectile. Oui, tout à fait. Pris de manière totalement isolée et statique, c'est presque un objet sans intérêt. La star du moment, à savoir la Kalachnikov, donc qui est un fusil d'assaut, le fusil d'assaut le plus répandu au monde. Pourquoi vous parlez de la star du moment ? Parce qu'en fait, c'est malheureusement une arme qui défraie l'actualité ces dernières années, qui est l'arme la plus répandue au monde, puisqu'il s'en est écoulé plusieurs centaines de millions d'exemplaires à travers le monde, et qu'on associe énormément soit aux diverses rébellions armées à travers le monde, ou malheureusement plus récemment aux actes de terrorisme. Il faut savoir par exemple que la Kalachnikov, donc arme extrêmement répandue, est la seule arme au monde à être à faire partie d'un drapeau national, par exemple, je crois que c'est le Mozambique, de mémoire. Donc là, je peux vous laisser pareil la prendre. Donc là, elle est vide. Ok. Donc je la tiens ici, comme ça ? Non, surtout pas. Enfin, surtout pas. Là, en fait, c'est le chargeur. Ouais, c'est une pièce qui est mobile. Ça tient pas du tout, ouais. Ici. Voilà, vous la tenez là, ce qu'on appelle le garde-main. D'accord. Et même chose. Voilà. Ok, d'accord. Oui, voilà, donc on passe sur une arme d'épaule. Donc là, on a une crosse qui est destinée à venir se caler dans le creux de l'épaule, ici. Là. Oui. Et donc, la quasi-totalité du recul va venir se transférer sur votre épaule. D'accord. Comme ça. Ok. C'est très lourd. C'est plus lourd que ce que je pourrais imaginer, en fait. Alors, c'est un peu plus lourd, ouais. C'est un peu plus lourd. Là, elle est vide, donc ça, il faut rajouter, quand c'est plein, à peu près 500 grammes, ouais, qui va venir se mettre ici. D'accord. Pareil pour l'épauler, c'est bon, hein. Mm-hmm. Vous avez vu. Donc là, je viens juste. C'est bon. Il est chargé. Là, il est chargé, il est prêt à partir. D'accord. Attention à l'arme. Ça va ? Ouais, ça va. Pas mal ? Non, pas mal, mais c'est je trouve ça très, très troublant parce que c'est difficilement perceptif, en fait. Voilà. J'ai l'impression que ça... c'est un niveau de vitesse ou de puissance qui est difficilement... tout comme on aurait du mal à conduire à 400 km/h sur une autoroute, voilà. C'est un peu ce que je ressens. Je ressens que c'est quelque chose qui va bien trop vite pour que je puisse... Alors là, il y a aussi parce que, tout simplement, quand il y a 10 minutes, vous n'aviez jamais tiré de votre vie. Ouais, ouais. Et là, on est passé sur des calibres, etc., qui sont normalement pas destinés à des débutants. Ouais. Là, vous êtes passé, entre guillemets, c'est comme si vous faisiez votre première leçon de conduite en auto-école et que je vous mettais tout de suite sur une Ferrari. Forcément, c'est pas la même chose. Et c'est ce qui fait aussi que vous avez ce recul-là. Par exemple, moi, j'ai pas du tout les mêmes sensations que vous quand je tire. Parce que, par exemple, tirer avec une Kalachnikov, voilà. Et vos sensations à vous, quelles sont-elles ? On a relativement banalisé ça, nous, par notre instruction et puis notre métier. C'est juste, effectivement, nous, ce dont on va se préoccuper plutôt quand on tire, c'est pas tellement la sensation de recul, c'est la difficulté à maîtriser l'arme. Ça n'a rien d'insurmontable, hein. En Afrique, il y a des enfants de 12 ans qui font ça très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse attention. Voilà. Et le dernier, c'est un fusil à verrou, donc le fusil MAS 36, qui fut un temps le fusil réglementaire de l'infanterie française. Donc il y a un fusil à verrou, donc là vous avez une culasse qu'on va venir verrouiller à la main et qu'on doit ouvrir à chaque fois. Ça, vous voulez essayer ou pas? Ce serait dommage de repartir sans avoir essayé. Je suis pas sûr de... Non, je suis pas sûr. Voilà. Je vais vous laisser le... Ouais, essayer. Non. Faites comme vous voulez. Hein. C'est dommage parce que c'est l'équivalent d'une... J'ai l'impression d'avoir eu un accident. Les chasseurs ont se laisser surprendre par le coup. La perception ne semble que pouvoir s'éveiller a posteriori. Comme un accident, il me semble que je ne peux que dire quelque chose vient de se passer. Quelque chose vient de me devancer et d'aller bien plus vite que je ne suis capable de vivre les choses. C'est étrange ça, se laisser surprendre par le coup. Ça supposerait donc que tirer soit d'une certaine manière un acte passif. Pas tout à fait bien entendu, mais quelque part, entre les microscopiques 600 mètres secondes du déclenchement de cet événement, la puissance qu'emporte avec elle la balle et son vol composé, parfait, le tireur ne peut, dès lors qu'il appuie sur la gâchette, plus rien contrôler. L'usage d'une arme à feu supposerait donc deux temps. Le premier, fait de mesure, de contrôle extrême. Le second, d'un relâchement total, d'un laisser-faire, laisser-être. D'un abandon de maîtrise sur la balle qui part, vole et va s'écraser, comme une toupie incontrôlable dans le corps, la cible, l'objectif. Peut-être est-elle là la particularité de cet objet. Qu'il en projette un autre, la balle, qui est, à un moment donné, hors de notre contrôle, loin de nous, de notre main, et que sa direction est déterminée par celui que nous étions lorsque nous le contrôlions encore. Particularité que cet objet est, lorsqu'il nous quitte, hors de notre usage des dimensions, espace et temps. Il nous échappe, tout comme les éclairs ou les étoiles filantes nous échappent très souvent. Quand nous échappe ce bombardement incessant de particules solaires sur nous, dans nos maisons, sur nos enfants, comme nous échappe la rapidité d'une flamme d'un feu. Faire feu. Car si le tireur vise, même aussi précisément qu'il est possible de tirer, il ne pourra jamais choisir de diminuer la vitesse du projectile, de changer sa trajectoire, encore même de contrôler son effet dès lors qu'il y pénétrera à l'intérieur d'un corps étranger. Étranger comme les projectiles l'est du corps, c'est-à-dire dans leur rencontre à tous deux, parce qu'il y a bel et bien une rencontre. Une rencontre faite de grandes différences, celle de deux matériaux, si éloignés dans leur nature, dans leur vitesse de croisière propre, dont l'amplitude différentielle gigantesque signe une violence infinie. C'est bon. Alors ici, donc, on est donc face à une reconstruction scanner donc d'une tête, hein. Alors sur cette reconstruction, donc ici il s'agit d'un décès consécutif à l'action donc d'une arme de guerre. Hein, bien sûr, on objective bien des corps étrangers qui sont les écouteurs. Hein, ici on voit les écouteurs vraisemblablement d'un téléphone ou d'un baladeur que la victime devait avoir et qui ont été mis tel quel dans la housse mortuaire parce que le corps doit être présenté au légiste tel qu'il a été trouvé sur la scène, sans modifier cette scène. Et puis on voit ici quelques éléments hyper denses, hein, quelques éléments de fragmentation du projectile. Alors, excusez-moi, il y a quelque chose que vous ne dites pas, c'est qu'on efface donc un crâne. Oui. Donc il est vert, tout comme le crâne qu'on regardait tout à l'heure. Oui. Les dents sont blanches, les écouteurs d'iPhone, ou en tout cas les écouteurs, ils apparaissent blancs également et ils sont posés devant certainement le visage. Par contre, le haut du crâne est complètement explosé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez ici donc toute la partie vraiment toute la partie supérieure hein, de la tête qui est totalement absente. C'est ça. Qui a été amputée véritablement. Hein, on a une amputation donc de toute la partie supérieure de la tête. Donc là, de la même manière que... Là, il y a un visage qui apparaît. Donc là, on est en reconstruction en trois dimensions. Hein, donc d'accord. Vous voyez ici apparaître effectivement donc un visage avec... Avec un œil gauche qui a complètement avec un œil gauche qui est absent, hein, qui a même été totalement détruit. Avec ici, donc vous voyez la matière cérébrale hein, qui est totalement dilacéré et sorti de la boîte crânienne. De la boîte crânienne, donc voilà. Qui se déverse en fait sur le voilà, qui se la déverse table. Sur la table, ouais, enfin, sur, au sein de la housse. Et hein. On voit quelque chose, une sorte de tube ou quelque chose. Alors ça, blanc. C'est le ça c'est simplement la poignée hein, du sac mortuaire. La poignée du sac mortuaire. Voilà, hein, c'est pas un, voilà. Et donc vous comprenez bien qu'ici, c'est la trajectoire est extrêmement complexe à appréhender. Quelle serait-elle ? Et là, on est plutôt sur une trajectoire qui va du bas en fait hein, vers le haut et légèrement un petit peu de l'avant vers l'arrière, mais sans pouvoir être plus précis. Voilà. Quel type d'arme à feu ? Alors ça, c'est une arme à feu, c'est un fusil d'assaut. Hein. D'accord. C'est un fusil d'assaut. D'accord. Qu'est-ce qui ferait selon vous ? Qu'est-ce qui fait selon vous la violence de ce visage ? Bah écoutez, ce qui fait la violence, bon, bien sûr, c'est des délabrements importants qui sont dans ce cas-là majeurs. C'est également surtout de reconstruire un petit peu la scène. La dynamique qui a précédé la mort, puisque c'est quand même une question qui nous est posée hein, quand on parle de trajectoire de tir, de distance de tir, eh bien il faut imaginer finalement dans quelle position pouvait être la victime, qu'est-ce qui s'est passé, comment a eu lieu le tir, et donc là on se projette sur, on remonte le temps pour aller vers le moment du vivant de la personne. C'est ça qui est parfois un petit peu difficile. Ce qui va être violent, ça va être d'imaginer la puissance, quelque part, de la scène, quoi. Ou ça va être ce qui est violent, si vous voulez, c'est si vous réimaginez ce qui a pu se passer alors que la victime était vivante. Mmh. Donc, c'est-à-dire que vous la réimaginez vivante et vous imaginez les actes qui ont pu, alors intentionnels ou non intentionnels, qui ont pu conduire au résultat que vous avez face à vous. Et c'est ça qui est parfois relativement violent, surtout si vous allez un petit peu trop loin dans l'affect. Je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre que, bien sûr, on ne peut jamais s'habituer à ce genre de situation, hein. On ne peut pas et on ne doit pas, à mon avis, le considérer comme de la routine. On est face à des situations qui ne sont pas normales, qui ne sont pas le quotidien d'une personne normale. Mais il faut bien garder à l'esprit ce pourquoi on est missionné, ce qu'on nous demande, et surtout que cette mission, elle est là pour répondre à des questions aussi des proches de ces victimes qui ont souvent beaucoup d'interrogations. Alors, quand on est comme ici face à ce cas, on imagine très bien que le temps de survie, hein, il a été très court, pour ne pas dire le décès instantané. Au même moment où vous dites ça, l'image se remet à tourner. Hein, on voit en trois dimensions. Mais ce sont des éléments qui parfois sont importants à préciser aussi hein, dans le rapport d'autopsie, parce que ce sont des interrogations des familles. Voilà, elles veulent savoir si leur proche a souffert, et puis elles veulent savoir si il aurait pu être sauvé. Qu'est-ce qu'une arme ? Une histoire particulière de Tony Ayer et Gilles Mardi-Rossian. Avec le capitaine Sautier et le docteur Masvet. Musique, Tony Ayer. Mixage, Alain Joubert. Merci à Thibaut Zupinger. Coordination, Christine Bernard. Une histoire particulière, c'est fini. Demain lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Et si on partait élever des chèvres en Ardèche ? Mais c'est une autre histoire.